l'enfant écorché, trop sale réalité. Stalinisme, fascisme, veste brunée, nazi rouge. Je l'enfant vomi, pas de société flétrie. Je m'appelle Staline, je suis né pour un temps. Je m'appelle Adolphe, veste brune et pareil rouge, veste rouge et chemise brune. Je suis l'enfant naturel d'un couple corrompu, nourri par la haine, stalinisme fasciste. Fils de! Fils de! Fils de! Fils de! Je suis l'enfant terrible d'un monde. Je suis des bestes rouges, je suis l'enfant naturel, société cancéreuse, je suis l'enfant rebelle, et la loi est dangereuse. Fils de! Fils de! Fils de! Fils de! Je suis l'enfant violent dans ce putain d'Occident, je suis l'enfant rebelle, apatride sans antenne, je suis l'enfant de l'État. Je me bats contre ça, je suis enfant de l'État, et je me bats.